Anne-Marie Martin, pourriez-vous nous parler de Vidéo Lyon et de l'association de diffusion populaire à Lyon ? C'est loin tout ça, ça m'a demandé beaucoup de travail et de recherche. Mais je suis très heureuse d'être là. Je pensais jamais qu'avec ce qu'on avait engagé dans ces années-là, un jour je serais sous les lampadaires de la BNF. Je suis assez émue en fait. Et quand Alain Carou a commencé à numériser les premières bobines, c'est vrai que c'était assez fantastique. Et ben voilà, de redécouvrir tout ça, quoi. Hein. Donc, Association Diffusion Populaire, il y a eu, on va dire, quatre temps. Il y a eu un premier temps, on va dire, les origines. C'est les origines de cette association et le fondement de sa pratique se trouve dans les cahiers de mai. Donc ça, c'est très important. Je vais vous lire simplement un petit peu, quelques lignes sur, que j'ai extrait de mai 68 et ses ultérieurs, qui expliquent la pratique d'enquête. Hein. Donc, le rôle politique de l'enquête propose une... Alors, dans l'article publié en 70 dans les cahiers de mai, propose une excellente analyse de la pratique entendue comme action en tant que manifestation potentielle ou vérification de l'égalité, constitution d'un espace commun. Dès le début, l'enquête militante se redéfinit en opposition aux formes existantes, de sociologie des travailleurs. L'enquête place le projet sous la direction et le contrôle des travailleurs qui discutent et élaborent un texte initial phrase par phrase. Par conséquent, l'enquête joue le rôle politique qui consiste à regrouper les travailleurs autour d'un projet, la production d'un texte agissant comme une force unificatrice qui initie ou soutient le processus d'auto-formation du groupe qui prend alors conscience de son existence comme telle. Le format de l'enquête l'inscrit donc dans la série d'expériences d'écriture collective de la base qui proliféraient à l'époque comme les ciné-tracks de Slon au collectif cinématographique du groupe Medvedkine à Besançon en passant par la production de nombreux pamphlets anonymes. Donc ces pratiques relèguent définitivement non seulement le sociologue, mais aussi le théoricien isolé et le réalisateur de films en tant qu'auteur dans le confinement solitaire de la production culturelle et intellectuelle bourgeoise. C'est pour ça, comme on disait tout à l'heure, beaucoup des documents n'ont jamais été signés. Malheur à celui qui osait mettre son nom en bas du générique. Le texte de l'enquête, une fois rédigé, peut constituer non seulement un instrument de propagande et de fermentation, mais aussi et surtout un outil permettant de relier les usines entre elles, établissement une communication jusqu'alors dénigrée, si ce n'est proscrite par la communication verticale des syndicats. Voilà. Donc je vous dis ça parce que moi, j'ai participé à ce groupe, le groupe de Lyon qui était rattaché au groupe de Paris, hein, on n'était pas un groupe autonome. Les directives venaient quand même de Paris et Daniel Ancel, Péninou, Boucro, etc. Et donc par rapport à l'image, il y a eu deux mouvements très importants pour moi qui m'ont vraiment engagé dans la diffusion des films. Et je crois que c'est pour ça après que j'ai travaillé dans l'image. Il y a eu Penaroya, donc qui a été une lutte ouvrière très très importante de la région lyonnaise, qui regroupait tous les ingrédients, comité de soutien, lutte pour la santé. Cette tournée a été gagnée, ce qui est très rare, par des immigrés. Et donc là, il y a eu deux films qui ont été faits, donc par un cinéaste professionnel qui s'appelle Dominique Dubost. Et ces films ont d'ailleurs ressurgi il y a 5-6 ans dans des cinémas avec une historienne qui a fait une thèse sur le mouvement de Penaroya, la vie des travailleurs de Penaroya. Donc il y a eu ces deux premiers films dont la facture était très carrée, très, on va dire, militante et... Voilà ce qu'il faut penser, comment il faut penser les choses, et voilà comment il faut s'unir et sur quelles revendications. Après, il y a eu le mouvement de l'IP, qui a été aussi assez décisif, donc avec des bandes vidéo qui ont été faites avec les gens de l'IP, sur des bilans sur la formation, et avec des femmes. Donc c'est à ce moment-là que c'est manifesté, on va dire, déjà, avec quelques membres du collectif, donc de l'association, des velléités de travailler sur des problématiques, enfin des questions de femmes, on va dire, qu'on vivait directement dans le groupe, qui était quand même bien dirigé de façon très autoritaire par Bernard Fromentin, père à son homme, il est décédé il y a longtemps. Mais il y a eu des mots très durs qui ont fait qu'à un moment donné, il y a eu une scission. Donc, on était 7 à partir et on s'est autonomisé en association de diffusion populaire. Sont restés 3 couples avec enfants et 3-4 célibataires qui étaient un peu... Voilà, qui étaient, et elle fait allégeance à la direction des Cahiers de Mai. Alors, à ce moment-là, ce qui s'est passé, un peu avant, on avait eu l'idée de faire une société à responsabilité limitée pour acheter le matériel, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, effectivement, pour acquérir ce matériel qui était assez cher. Donc, on a créé une société à responsabilité limitée, on a mis des économies des grands-mères ensemble, on était 4-5 actionnaires. Et à partir de ce moment-là, donc ce matériel était aussi disponible pour ce qui se passait à Lille, etc. C'est une phase un peu transitoire où on a signé collectif audiovisuel, liaison directe, où il y a eu des appellations diverses et variées. Et on restait quand même bien dans le giron, on va dire, politique et dictatorial des camarades. Et notre sens de l'image s'est un peu manifesté parce que effectivement nos camarades qui étaient plutôt des camarades de l'écrit, puisque certains sont devenus quand même journalistes par la suite et beaucoup d'enseignants, n'avaient pas compris vraiment l'utilité, le sens de l'image, et on filmait que des réunions. Donc au bout d'un moment, on en avait marre, les mini commissions libres par-ci par-là, devant, derrière, et on s'est émancipé et on a créé l'association Diffusion Populaire en 77, et à partir de là, on a réalisé d'autres bobines, on va dire, d'autres bandes, d'autres. On est allé sur tout ce qui bougeait près de chez nous, qui nous intéressait, qui intéressait les membres du groupe, hein, parce que donc parmi nous, on était 7. Il y avait une chercheuse de l'INSERM qui travaillait aux banques de sperme d'ailleurs, donc c'est elle qui avait le plus d'argent. Qui pouvait aussi alimenter en matériel, des fois, en bande, des choses. Il y avait des étudiantes, une enseignante, une employée de bureau, et moi-même, donc pendant, on va dire, de 70 à 77, j'avais 2-8 ans. Je suis bien contente maintenant parce que ça me sert bien pour compter mes points de retraite. Donc, voilà. Et en 77, j'étais licenciée, 2 fois d'ailleurs, animatrice de lycéen et secrétaire. Et à ce moment-là, j'ai bénéficié des 90% qu'on avait gagné chez Lip de chômage. Donc c'était tout bénef pour moi. J'en ai profité. Et grâce à ça, effectivement, moi j'ai pu être plus engagée dans l'ADP, effectivement. Hein, c'est-à-dire au niveau aussi bien de la... J'étais aussi gérante de la société Vidéo Lyon et aussi dans les différentes enquêtes. Les différentes enquêtes... on était un peu... Il y avait différentes personnes qui avaient des sensibilités, qui disaient, bah, tiens, par exemple, on va à Cébézo, qui va y aller, voilà, qui va au Portugal, etc. Ça se faisait un peu comme ça. C'était pas toujours les mêmes qui partaient sur les chemins de France et de Navarre. Et voilà, donc ça a duré à peu près jusqu'à 80... On va dire de 75 jusqu'à 81, hein, c'est ça, il y a à peu près 12 de films qui ont été produits, donc qui ont été aussi bien distribués, diffusés par les collectifs Monoeil, bon, ça c'est bien en 79, et nous-mêmes, bon, on était aussi en relation, bon, avec d'autres collectifs, comme Vidéo 13, dont je me rappelle, Vidéo Haute, qui nous avait initié et introduit dans cette histoire, avec les prostituées de Lyon Parle. Et effectivement, les bobines qu'on a faites par rapport à celles de Vidéo, par exemple sur Lip, on voit bien qu'elles sont, c'est pas la même facture, c'est pas le même point de vue, la même chose, parce que nous, on est quand même reliés à cette pratique d'enquête qui était assez décisive pour certains d'entre nous, qui était aussi un garde-fou, ce qui était aussi voilà. Et après, c'est bon, il y a eu donc dans ces 7 personnes, on était 4 femmes et 3 hommes, et on a vécu un moment ensemble entre femmes avec des enfants, puisqu'il y a un des maris qui s'était suicidé, et on est aussi relié à la commune d'Aix-en-Provence aussi dans ses pratiques. Donc certaines d'entre nous ont appris à faire la méthode Carman, etc., etc. Donc il y avait toute une ébullition. On a aussi dans cette expérience de production, de réalisation de documents, on était aussi reliés à des films comme Ivance, à Van der Koken, puisque Thierry Nouvel il avait diffusé le film à Lyon, etc. Et regarde, elle a les yeux grands ouverts de la commune aussi. C'est par là, moi, j'ai eu un désir d'enfant. Donc voilà, les vannes étaient ouvertes. Et c'est vrai que pendant, à partir de 75, on va dire, la vie a aussi changé et d'autres choses qui nous préoccupaient en tant que femmes, en tant que sur le problème du nucléaire, de l'écologie, sur des tas de choses, voilà, on a pu aller là où on avait envie d'aller, quoi, sans avoir, parce que nos camarades disaient que c'était des luttes clignotantes pour eux, voilà. Ça je me rappellerai toujours. Le nucléaire, c'est sûr, avec les petites lumières des centrales nucléaires, c'est des luttes clignotantes. Mais voilà, donc on était quand même contentes de s'être échappées de cet enfermement et de ce... Donc, de toute façon, après, l'Institut ouvrier qui devait se créer n'a pas vu le jour, hein, effectivement. Voilà, ça c'était les différents points que je voulais voir maintenant. Et l'origine du nom, vous ne l'avez pas explicité. Ça, c'était une réaction. Parce que nos camarades s'étaient appelés, à un moment donné, avaient pris le nom après liaison directe, ADIO, Association de diffusion des idées ouvrières. Ils avaient créé ça en quelle année? Je crois en 61 ans, 6 mois avant. Oui, en fin 76. Et nous, on s'est appelé ADP pour dire qu'on venait de la même histoire, mais on était, voilà, les idées ouvrières. Bon, il n'y avait pas que ça, quoi. On avait fait une rupture politique. Et sur la question toujours du statut, ou plutôt ce que va vous permettre le fait d'avoir créé une SARL, vous aviez en l'occurrence au moins une permanente. Est-ce que c'était vous, ouais, ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Non, dans la SARL, en fait, il y a eu deux salariés qui ont été engagés. En fait, il y a eu un gros marché qui est tombé de la chambre de commerce. Et on a profité, donc des copains de l'ADP connaissaient quelqu'un qui. Voilà, et donc ils ont été engagés comme salariés de cette SARL. Donc il y a eu plusieurs marchés qui nous a permis d'acheter du matériel 3/4 de pouce très vite, quoi. Je veux dire, on a monté très vite en 3/4. Donc pratiquement, ouais, puisqu'on l'a acheté en 75, le matériel. Hein. Et on partageait une caméra couleur avec aussi une société commerciale. On avait des liens très forts avec des sociétés, entre autres une société commerciale, qui réparait, qui nous prêtait des machines, etc. etc. Mais voilà, la lune de miel n'a pas duré très longtemps, puisque ouais, y a eu des dissensions, comme vous pouvez vous imaginer. Et les deux personnes qui étaient salariées sont parties, en laissant le leasing à la société Vidéo Lyon, dont j'étais la gérante, donc j'étais très contente. Voilà. Des petites histoires. Oui, donc c'était pas un épisode très, très, très marrant, quoi. C'est quand même une forme de trahison, surtout l'un d'entre eux, quoi, qui était aussi à ADP à l'origine. Mais voilà, on s'en est remis. Et puis, et après, eux, ils ont créé d'autres sociétés, qui a créé d'autres sociétés. C'est-à-dire, Vidéo Lyon, c'était la première société, on va dire, qui existait à Lyon, qui s'est montée à Lyon, on va dire, dans les années 75, quoi. Mais c'est vrai que ça nous a permis quand même de travailler de façon intéressante, quoi. C'est un peu secondaire, mais quel était le type de commande à cette époque que passait la chambre de commerce? Comme ça, qu'est-ce que vous faisiez? Ben là, c'est sur les pas, sur l'influence des couleurs sur le mobilier, sur l'ameublement, par exemple. Donc, on avait acheté un énorme banquet fait sur mesure. Oui, c'était un gros marché qui a fait que. Qui a duré plus longtemps. C'était sur les papiers peints, voilà. Voilà. C'était pas publicitaire ou de communication, c'était de l'ordre de l'enquête sur les consommateurs. Non, pas du tout, c'était plutôt une suite de communication, de publicité. C'était la communication. Oui, c'était pour expliquer l'influence de la couleur des papiers peints sur l'humeur des gens, par exemple, ou un truc comme ça. Oui, d'accord. Communication professionnelle. Oui, voilà, c'est ça, c'est de la communication professionnelle. Par téléphone, vous nous aviez expliqué que ça n'était pas forcément le même matériel en réalité que vous utilisiez pour vos travaux militants et pour vos travaux de communication. La caméra couleur, non. D'abord, premièrement, elle n'était pas très portable, elle était très lourde. Donc, pour faire la marche du Larzac, c'était un peu difficile. Et puis, bon, il y avait une question de... Voilà, elle était à mi-temps, elle était à moitié, quoi. On pouvait... Voilà, là-dessus, il y avait un accord de ne pas utiliser la caméra. votre roman, le banc de montage, si, puisqu'il était de toute façon, même on l'a prêté ou loué à Gatti, donc il circulait le banc de montage, hein, il était un peu, voilà. Mais autrement, dans la caméra, non, c'était... Voilà, pour le tournage, en fait, pour les bandes militantes, vous tourniez en matériel demi-pouce, noir et blanc, ouais. Noir et blanc. Et par contre, pour vos travaux professionnels, le tournage se faisait en caméra, déjà trois quarts humatique, couleur, très très tôt. Ouais. Mais ça n'était pas le même matériel utilisé pour le tournage. Non, mais c'était pas une caméra portable, là, je veux dire. Une caméra d'un peu de studio, on va dire, c'était quand même lourd. Merci beaucoup, Anne-Marie.